Yes, I donne badesse pour qu'il ait tous les fachos. Tous ceux qui ne cherchent pas la sagesse. History, hey, c'est la honte qu'il leur faut. L'amour leur fait défaut. Ah ouais, ouais, fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui enlèvera leurs mots. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. C'est la honte qu'il leur faut. L'amour leur fait défaut. Ah ouais, ouais, fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui prouvera qu'ils sont faux. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. Qui t'a permis de mettre Dieu de côté, de l'oublier? Sûrement tu devais avoir autre chose à faire à côté. Sans doute qu'on t'a conseillé de suivre des voies détournées. Ces à côté qui t'empêchent aujourd'hui de t'écouter. Chaque instant t'es troublé, tu serais prêt à tout quitter. Vision d'horreur si tu laissais pour toujours ce que t'aimais. La faire coincer dans un cercle qui t'empêche d'éclencher pour les petits qui sont nés. Tu dois te sacrifier. C'est la honte qui leur faut. L'amour leur fait défaut. À tous ces fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui enlèvera leurs mots. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. C'est la honte qui leur faut. L'amour leur fait défaut. À tous ces fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui prouvera qu'ils sont faux. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. Te prêche l'amour pour tes gosses, ils veulent plus t'aveugler. Tu te ranges dans ce système, ils se chargent de t'enseigner. Sous ces airs de sainteté, le mal est tapis et caché. Ils te scandent de collaborer, de ne plus t'inquiéter. Mais contre toute attente, pour tous tes mots, qui va te sculpter, te guider dans sa médecine. Si tu sais payer ta foi entre ses mains, qui puisse t'assister, il a tout pesé. Tant pis s'il t'a égaré. C'est la honte qu'il leur faut. L'amour leur fait défaut. À tous ces fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui enlèvera leurs mots. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. C'est la honte qu'il leur faut. L'amour leur fait défaut. À tous ces fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui prouvera qu'ils sont faux. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. Rentrez chez vous, y'a pas de place pour venir jouer. Les gens s'en servent comme vous, vous me dérangez. Ça vous amuse de faire souffrir l'opprimé. Tant pis pour vous, le jugement ne va pas tarder. Tu programmes ta vie, tes journées, tu crois tout gérer. Si tu rates une marche, tu auras digéré. Personne pour t'aider, pour t'évader, fallait y penser. Tout que l'homme a placé semblait t'accorder. Tu bloques mon gars, c'est inversé. Ne va pas y toucher, t'es bouleversé. Protège-toi, ils viendront te chercher. Te contraindre, à pester, à rester enchaîné. Vous réveiller, en bonne santé. Prière de dégager, c'est la honte qu'il leur faut. L'amour leur fait défaut. À tous ces fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui enlèvera leurs mots. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. C'est la honte qu'il leur faut. L'amour leur fait défaut. À tous ces fachos et tous ces mythos. C'est la crainte du très haut qui prouvera qu'ils sont faux. Ce sont des idiots, ils n'ont pas de cerveau. Yes, I donne Valdez, dédicace pour tous les crews, tous ceux qui prennent le microphone pour faire tomber ceux qui parlent trop, pour faire tomber tous ces fachos.